Pour un nouveau numéro de la cellule Pulsure sur antenne du 94 MHz, ça c'est pour le direct en hertzien et aussi à partir du blog asile35.blogspot.fr. Cette semaine, émission toute spéciale puisque j'ai l'honneur, l'immense honneur de recevoir mon camarade Phil Hiroskin. Salut Phil. Hello, hello. Ancien animateur, hein, on ne le présente plus pour les vieux auditeurs de Canal B, l'émission La Peau des Héros, qui était à peu près dans les mêmes heures. Hein, c'était ce créneau-là, de toute façon. Voilà, oui. J'ai squatté ton créneau. Tu as repris mon créneau quand je l'ai abandonné. Exactement. Et donc, la raison de ta venue, c'est que tu vas nous proposer un petit mix spécial pour annoncer aussi une soirée que tu vas faire fin de cette semaine à Rennes, au bar Le Chantier. Ce sera samedi de cette semaine. Oui, c'est ça, ouais. C'est samedi soir, une soirée laptop session. C'est une soirée que j'organise depuis un certain temps maintenant, dédiée aux musiques électroniques, un peu chelou, un peu techno souvent, mais un peu chelou quand même. Et là, je vais profiter de... Enfin, je vais profiter. J'aurais pu m'en passer, hein, ou j'aurais pu le faire un autre moment. Étant donné qu'il y a un musicien que j'adore qui est mort au mois d'avril, qui s'appelle Mika Vainio, qui était la moitié du duo Panasonic, j'ai décidé de faire pour cette laptop session un petit hommage à cet artiste. Et puis, donc du coup, on va aussi en parler dans l'asile le plus sûr. Avec d'autres mix que ceux que tu présenteras, donc ce sera ce samedi 13, c'est ça ? C'est ça, ouais. Ouais. Donc à partir de 20h30 normalement ça démarre, et puis le mix spécial Vaino sera plutôt 21h30, 22h30, un truc comme ça. Donc au Bas d'Hélice, au bar Le Chantier, comme d'habitude, les laptop sessions qui reprennent du service. Et on va attaquer avec une séquence d'actu, une fois n'est pas coutume, dans l'asile, et un groupe que j'ai beaucoup suivi, qui s'appelle Faust, qui vient de publier son 20e disque en date, qui s'intitule Fresh Air, qui vient de sortir sur le label de Hambourg Bureau B. Et c'est plutôt un album assez bon de Faust, un peu meilleur que les précédents d'ailleurs. Just Us, qui était un peu poussif, je pense que c'est leur meilleur disque depuis rien quasiment. Il a été enregistré lors d'une tournée au printemps 2016 aux États-Unis en compagnie de différents musiciens, assez peu coutumiers d'ailleurs des musiques de Faust. Et puis c'est un disque donc qui va être assez amusant aussi, voilà, avec les textes de notre ami Jean-Hervé Perron, qui n'ont aucun rapport avec l'actualité récente. On écoute La Poulie, extrait de ce Fresh Air du groupe Faust. Tourner. Démarrer avec un extrait du nouvel album des compères Werner Zappi, Diermeyer et Jean-Hervé Perron, le 20e disque du groupe Faust qui s'intitule Fresh Air, avec des spoken words, des pièces assez longues, assez motoriques, comme souvent avec la formation du krautrock allemand qui a commencé en 1971, et pas mal d'invités nouveaux aussi sur ce disque qui est plutôt assez chouette, je dois dire. Et on a enchaîné avec Felicia Atkinson et un nouveau disque qui vient tout juste de paraître également aux éditions Shelter Press sous le titre Hand in Hand, et qui mélange comme toujours des bidouilleries. Là on entendait une sorte de marimba mélangée à de l'électronique et des chuintements assez bizarres, pas mal de spoken words aussi, comme souvent avec Miss Atkinson, qui est rennaise d'adoption. Et d'ailleurs, pour les Rennais, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous rendre à l'expo qu'elle donne actuellement à la Criée, ça se tient jusqu'au 28 mai. Il y a une performance d'ailleurs avec une plasticienne qui fait un travail de voix entre poésie sonore et texte parlé, Anne Lippard. Ce sera ce mercredi 10 mai. Également des performances de danse pour la nuit européenne des musées, des choses comme ça. Ça c'est samedi prochain ça. Oui, c'est samedi prochain. Non, c'est le 20 mai. Le 20 mai. Ouais, le suivant. Okay. D'accord. On va enchaîner avec une de tes sélections, Phil. Oui, donc on va parler donc de Mika Vainio, un musicien donc finlandais né en 1963 et mort, je crois que c'est le 13 avril 2017, donc c'est quand même relativement récent. Ça fait un petit mois maintenant. Mika Vainio, c'est un musicien qui a commencé par être batteur dans des groupes apparemment de noise, d'indus. Visiblement, ils n'ont pas laissé grand-chose en discographie et compagnie. Ils n'ont pas tellement bougé non plus de la Finlande. Et en fait, à la fin des années 80, il doit se prendre l'acid house en pleine figure et en plein dans les oreilles. Et il commence à virer à la musique électronique, avec notamment une petite période justement un peu acid house, truc comme ça, que pas franchement emballante. Et puis il commence à faire un petit peu de techno au début des années 90, une techno assez abstraite, assez minimaliste. Il rencontre un compère avec qui il aura une très belle carrière, c'est Ilpo Väisänen, un autre musicien finlandais. Ils formeront le duo Pansonic, qui était d'ailleurs un trio au tout début. Oui, ouais. Et donc ce sont des gens qui ont marqué, on va dire, la musique un peu bruitiste, industrielle, toujours un petit fond effectivement techno, souvent sur pas mal de morceaux, mais avec de la distorsion, des machines un peu bizarres. Et donc du coup, je vais présenter quelques petites plages comme ça avec Mika Vainio, différentes choses qu'il a pu faire dans sa carrière. On va commencer avec un projet, c'est son projet le plus techno. Alors c'est vraiment la techno assez abstraite et assez minimaliste, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. C'est le projet qu'il fait sous le nom, je crois que c'est Diameter apparemment. C'est le symbole au fait, quand vous faites du dessin industriel, le symbole d'un diamètre, c'est-à-dire un espèce de rond barré. Ça ressemble aussi à l'ensemble vide. Voilà, et donc du coup c'est son projet, c'est un projet qu'il a eu tout au long des années 90, tout a été réédité depuis sur essentiellement sur Sacco Recordings, qui est un label finlandais de musique plutôt pas mal. Il y a un peu de tout, il y a du jazz, il y a de la musique électronique un peu expérimentale, il y a même du Jimmy Tenor, des choses comme ça. Il y a des choses plus accessibles. Et donc ça c'était extrait d'un très très vieux, 95 je crois, Atomic Hippie. Donc Mick Avenio sous son pseudonyme Diameter, c'est le titre Olématon. Mika Vainio x3 avec tout d'abord un morceau qui datait, je sais pas, de 95 ou quelque chose comme ça, qui s'appelait Ole Maton, suivait un truc un peu plus récent, c'était Fright sur un album qui lui s'appelait Kilo, ça c'était en quoi, en 2013 si je ne m'abuse, et ça c'était sorti sur quoi, je ne sais plus. Kilo, c'était un gros classique. Ouais, ça devait être sorti sur Blast First Petit, évidemment, sous-division de Mute, sur laquelle sont sortis quasiment tous les derniers disques de Panasonic, Mika Vainio et sans doute aussi peut-être quelques-uns de Dilpo Väisänen, son complice dans Panasonic. Et on finissait avec un petit 45 tours qui s'appelait Rasputin 3000. Et que tu es pas mal aussi, donc une musique bien rêche, bien dark, avec quand même un petit fond techno, comme je disais. On écoutera d'autres facettes du travail de Mika Vainio dans les prochains passages que tu m'accorderas. Oui, tout à fait. Et on a décidé de faire un ping-pong comme on a fait à plusieurs reprises ensemble, Phil. Et donc bon, on va enchaîner avec la musique du contrebassiste d'origine australienne Mike Mashkowski, qui habite à Berlin, qu'on avait découvert avec une série de disques aux éditions Bossian Records, qui nous avait beaucoup plu dans leur traitement, leur rapport au silence et aux harmoniques assez incroyables. On l'avait pu l'entendre aussi au Festival Câble numéro 9, la dernière édition de février de l'année 2016, et il revient avec un nouvel opus sur Entr'Acte Records, toujours en solo. Il fait aussi des projets de jazz contemporain, cet homme-là. Et quand il est en solo, bah, il fait des choses assez atypiques, à l'image de ce Swimming in Light qui mélange synthé analogique, vibra, piano, percussion, field recordings et bien évidemment de la contrebasse. Et on écoute un petit bout de ce très beau disque de face, vraiment très très prenante. On écoute Mike Mashkowski. toujours dans les îles Pussures versus Heroeskin ce soir avec une sélection de votre serviteur qui a démarré avec Mike Machkowski et son dernier opus Swimming in Light sur le label de Jacques Belleuil Entract. Comme toujours, un visuel totalement minimaliste, uniquement le numéro du disque et rien en illustration comme d'hab pour l'excellent label Entract basé désormais je crois en Belgique, ce label d'origine britannique. Et on a enchaîné avec un nouveau projet qui réunit Andrea Belfi aux percussions en compagnie de Werner Daffeldecker avec ses basses et générateurs de fréquences qui a fait partie notamment de Paul Shell-West et de Autistic Daughters en compagnie de deux nouveaux venus, enfin en tout cas pour moi, Tim Wright qui n'est pas un genou pourtant, c'est plutôt de la musique électronique dans les années 90, on disait même de la techno. Techno house. Et son camarade Hillary, donc lui il fait de différents sons, c'est lui qui fait les ambiances, je pense, assez orchestrées d'ailleurs de ce disque du projet Mir 8. Et le quatrième larron, c'est un tromboniste, Hillary Jeffery, qui joue assez souvent d'ailleurs aux côtés de ce Tim Wright et qui fait partie notamment de Sidekratzer. Et donc le projet s'intitule Perry et Lyon. Il est un tantinet peut-être trop néo-classique à mon goût, comme ce que vous pouvez entendre en fond sonore. En tout cas, c'est sorti sur la subdivision du label Clean Feed de Spuma. Et c'est plutôt intéressant quand même. Il y a de quoi jeter une oreille. Et ben, je crois qu'on va rester dans la musique totalement abstraite avec une autre petite série dédiée à Mika Vainio. Cette fois-ci, c'est le versant collaboration de Mika Vainio. Bon, alors là, c'est pareil, on aurait pu en choisir des tonnes et des tonnes parce qu'il en a fait beaucoup. On peut citer des collaborations avec Alan Vega, par exemple, avec son camarade Ilpo Väisänen, avec... je sais pas avec qui, à part Charlemagne Palestine, qu'on peut citer d'autres, avec Stéphane Omelet de Sun O. C'est un artiste qui a collaboré avec énormément d'autres personnes, souvent pour des confrontations assez, soit en improvisation, soit des disques bien léchés. Je vais vous en proposer trois. La première, ce sera un truc qui est pas si vieux que ça. Ça date de 2013. C'était avec Joachim Nordwall. Et c'était un disque qui s'appelait Monstrance, sorti sur quoi ça? Sur Mégouche, je crois, ou un truc comme ça, non, peut-être? Sur Touch, excusez-moi. Donc c'est pas l'un, c'est l'autre. Ah, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Oui, c'est sur ce genre de disque. Donc Mika Vainio, guitare, percussion, processing, et puis Nordwall, vibraphone, organe, enfin, de genre de choses, des objets en métal. C'est une improvisation, enfin, c'est pas vraiment une improvisation. C'est un disque qui a été enregistré en une journée à Berlin. Et ça sonne plutôt pas mal avec des sons, comme toujours, avec les Vainio et Väisänen, toujours hyper léchés. Thank you. Toujours dans les illopussures avec les sélections de DJ Hero Skin. Ouais, et c'était toujours Mika Vaigno. Cette fois-ci, c'était donc le versant collaboration. Tout d'abord, on avait commencé avec Joachim Nordwall. Ce serait un disque que tu as dû passer quand il était sorti en 2013, probablement. Monstrance, l'album. Donc, ça, c'était sorti sur le label Touch, en 2013. Ensuite, plus vieux, 10 ans plus vieux que 2013, d'ailleurs, c'était 2003, un peu inattendu dans l'asile le plus sûr. Ça doit être la première fois que tu passes les Chicken Speed. C'est vrai. Donc ça, c'était une collaboration sur un morceau de leur album 99 Cents ou quelque chose comme ça, sorti en 2003. Et il y avait cette collaboration sur ce morceau avec Mika Vaigno, qui était sorti en maxi avec une version instrumentale et puis la version chantée. D'ailleurs, on ne les entend pas trop chanter dessus. C'était le son vraiment Mika Vaigno quand il est dans son versant rythmique. Et pour terminer la série, ça, c'était plus récent. Le plus récent des trois, c'était 2015, collaboration entre Mika Vaigno et Franck Vigrou, Peau froide, léger soleil. Ça a dû déjà aussi passer dans l'asile de blessure. Et ben même pas. Même pas. Bon. Petite vengeance de okay. Franck Vigrou. On n'en parlera pas. Ok, d'accord. Bon, ça a été toujours est-il que c'était plutôt un bon album, cette association entre ces sans deux maîtres de la musique industrielle. Voilà. Oui, industrielle un petit peu. Un côté assez dark ambiante aussi sur cet album. On peut dire qu'ils ont un univers assez proche, hein. C'est vrai voilà. Que Vigrou n'est pas très éloigné du son et des ambiances de Mika Vaigno, donc c'est pas très très étonnant qu'ils soient à coquiner tous ces deux-là. Et quant aux autres, tu as dû les passer aussi dans la peau et des héros, j'imagine, à l'époque, Chicken Speed. Oui, Chicken Speed, tout ça, j'ai certainement passé ça. Ouais. Abondamment. Ah ouais. On va enchaîner avec une autre sélection typée Asile cette fois-ci. Et la semaine dernière, on vous a proposé un disque du label de Bill Nace, Open Mouse, sa collaboration aux côtés de Chris Corsano et Paul Flaherty. Et entre-temps, je me suis procuré son duo en compagnie du trompettiste qui joue beaucoup dans les micro-textures et les stratégies obliques, Greg Kelley, qu'on avait pu connaître au sein du duo, notamment N-Perigme, donc deux Américains. Et c'est un live qui a été enregistré au centre contemporain d'Ijecta, le Contemporary Art Center, une association non lucrative, on appelle ça comme ça, de Portland. Donc un vinyle qui est sorti sur Open Mouse en début d'année, donc ça doit plus vraiment être disponible vu que c'est tiré à peu près à 250 exemplaires. Je crois qu'il y en avait encore un petit peu du côté du label et distributeur Sound Home. On écoute un bout de ce live Indigecta de Bill Nace en compagnie de Greg Kelley. Thank you. Je savais que tu venais, Phil, je me suis dit que j'allais te gâter, tu vois. C'est juste pour faire passer Mika Vaigno comme de l'easy listening, c'est ça? Un peu, ouais. Donc c'est un enregistrement qui avait été réalisé d'ailleurs par Daniel Mensch, qui jouait ce même soir-là de ce concert aux fameuses scènes de Dijecta. Voilà, donc de Portland, donc Bill Nace et Greg Kelly, un disque enregistré sur Open Mouse. On continue avec Mika Vaigno. Allez, on va passer au remix. Ça, c'est un exercice auquel il s'est confronté, mais pas énormément. J'ai pas trouvé 50 000 remix. Par contre, il y en a quelques-uns qui sont vraiment terribles. On va commencer par un remix pour un duo Graye Goot Fraction. Donc ça, c'était Antti Graye Fuchs alias AGF. C'est une artiste qui j'ai beaucoup passé dans mon émission, ainsi que Gudrun Goot, qui elle aussi est une nana qui a fait pas mal de choses, Malaria, avec notamment un groupe donc de musique plus peut dire industriel, Malaria, enfin bon, et qui manage un petit label plutôt musique électronique avec des choses qui est un peu dans tous les styles, qui s'appelle Monica Enterprise. Et puis donc elles s'étaient rencontrées, elles avaient fait un album, puis était sorti dans la foulée un album de remix où on retrouvait justement un remix signé Mika Vaigno. Après il y aura un remix de Björk fait par Mika Vaigno qu'on a écouté tout à l'heure, qui est vraiment terrible. Vous allez pouvoir le découvrir tout de suite si vous ne l'avez jamais entendu. Thank you. haven't been touched before. Nothing will be the same. I like this resonance. Thank you. Jamais. Trois, bon, bah, il y en avait trois. Trois. Voilà, qui faisaient à peu près 6-7 minutes chacun. Donc, du coup, c'est des morceaux qui sont effectivement un peu longs pour le format radio. Donc, trois remixes signés Mika Vainio. Tout d'abord, Grey Goot Fraction, Björk, le magnifique titre Headphone. Et pour finir, c'était Mimetic. Alors, Mimetic, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Non. C'est un. En fait, c'est le projet solo du batteur de Von Bennett qui s'appelle Jérôme Soudan. Eh ouais. D'accord. Donc du coup, bah, on est toujours dans une lignée un petit peu industrielle, hein, y a pas de souci là-dessus. Et il sort l'essentiel, pas mal de disques sur notamment Imen Records, voilà. Okay. Donc label allemand de musique techno, un petit peu indus plutôt. Ok, bah, je te remercie Phil pour cet petit aperçu de la carrière vraiment tout léger, hein, parce que petite quantité de choses. Ouais, je pense qu'on doit pouvoir entre les collabs, les trucs de Panasonic, machin, on doit être à 80-100 albums pratiquement. D'accord. Et donc, ce sera assez différent de la séquence du mix que tu nous proposeras. On retrouvera peut-être un certain nombre des morceaux, mais bon, c'est le chantier, c'est pas la bascule. Donc, du coup, les trucs les plus noise de Mika Vainio, on va s'abstenir et puis on passera plutôt les trucs un peu plus rythmiques, choses comme ça, quoi. Enfin, bon, certains des titres que je vais proposer ce soir seront présents, soit par touche, soit. Mixé avec d'autres choses, donc okay, on peut rappeler juste donc Laptop Session, Juan et Hiroskin, donc c'est moi et puis mon camarade Juan pour un truc plus techno pour Juan, donc c'est 20h30, samedi 13 au chantier, c'est gratos bien sûr. Deux annonces concerts autrement, la veille au Marquis de Sade, France Sauvage, Le Grand Retour et Pédiluve Banquise. Ce sera donc le 12 à Rennes au Marquis de Sade par notre camarade Jean-Louis. Et également une soirée lundi prochain avec Power Dove, le projet de Thomas Bonvalet, Le Selmar, avec Annie Lewandowski et cette fois-ci Chat Popol du Gorge Trio. Voilà donc. Et il y aura aussi Canténac Dagar. Mais quant à nous, on sera de retour lundi en direct, donc on n'aura pas la chance de voir cette soirée concert. Je vous rappelle que l'émission est également écoutable à partir du podcast asile35.blogspot.fr, ça c'est pour le blog. Et on termine avec une dernière de tes sélections, Phil. Voilà, donc on a parlé de Mika Vainio, on n'avait pas passé un titre de Panasonic, le duo qu'il a formé du début des années 90 jusque assez récemment. Le groupe a dû se séparer il y a 2 ans, 3 ans, ouais, un truc comme ça. Donc c'est Lightest Transmission, c'est un des derniers albums de Panasonic, enfin dernier, bah, non, ça fait presque 10 ans déjà que je raconte n'importe quoi. Kato DVA, cet album Cathode, je crois que c'était en anglais. Panasonic pour conclure l'asile le plus sûr ce soir. Merci Phil Hoskin et tous au chantier samedi 13. taste a central ingredient in sexual desire. As sex has a major cognitive component, the most important element for desire is positive anticipation. Indeed, one name for pleasurable anticipation is excitement. More generally, anticipation is a central motivating force in everyday life. The normal process of imaginative anticipation of or speculation about the future. To enjoy one's life, one needs a belief in time as a promising medium to do things in. One needs to be able to suffer the pains and pleasures of anticipation and deferral. Sadness is an emotional pain associated with. There are a number of theories explaining anticipation, characterized by the prominent theories are thank you. Thank you. Thank you.

queer est arrivé. Apart from the moon. jusqu'à ce qu'un son, jusqu'à ce qu'un son pur immerge notre nation. Alors c'est à vous, les enfants de l'anarchie,